le sais, je mets rien dans le zen zen. Voyez dans le Benz, voyez tu as le bendo. Voyez tu as les reines dans le secteur 13 avec sa Teresa Mendoza, dans le range noir, mafiosa. Fidèle aux miens comme un Yakuza. Tout ce qu'on a gru gru sous la blouse. Cause, faut du flouze. Un douze je les trouve, faut que tu te pousses. Voyez son manque pas, il parle une fois, il dit pas ce qu'il fait. Même à une folle, numéro 13. Organisé comme un fac à la braise. Mon boss dans la presse, là je suis balafré. Ça m'a blessé, comme si on m'avait tourné le couteau dans la plaie. Toujours dans la place, mon son dans la caisse. J'ai mis trop de buts, je fais que des passes. Ça pue, j'ai de la casse, comme un voyou. Je fais mes sous, je brasse, je sais que je les blesse. Je me regarde dans la glace, mais j'ai sur un trans. Grandi dans la classe, bouillant comme la braise. Parti de rien pour tout niquer, comme mes gosses. Ils m'écoutent tes gosses, peut-être même en Écosse. J'aime pas faire le big boss. M'en fous de l'argent des big tasses. Et comme un voyou, skive les gens, je me fais discret quand les flammes passent. Comme un voyou, ça parle. Comme un voyou, ça tire. Comme un voyou, ça marche. Comme un voyou, ça brasse. Comme un voyou, ça parle. Comme un voyou, ça tire. Comme un voyou, ça marche. Comme un voyou. Père que du lord. Je prends le love que tu donnes. Donne l'enveloppe, je vois ce que veut l'autre. Coup de fil, un sac, tu dors. Un trois que des hyènes. Fais pas la voyelle. Bloc dans la boîte, lock, on entend toutes les voyelles. J'suis en bas les reins, j'parle avec les mains, ouais. Tu me veux pas du bien, non? Parle avec les miens. Bam. T'as reconnu le tempo, tu connais la compo. J'suis dans le compo, champi, j'finirai par en décompo. Tu pas de danse, ouais, on fait la tendance. Toi sur la détente, va falloir se détendre, saler la sentence. Ouais. Dans nos cœurs c'est décembre, ce qui reste des rêves c'est descendre. On sait qui commande, on sait qui commente. Tu veux pas qu'on monte, faudra nous descendre. Alors sans gré, dis-moi comment que c'est. Je sais comment les gens sont, je veux pas leur ressembler. Je tuerai pour tout recommencer. Faut que les dialozo, c'est ma philoso. Kérosène dans l'ozo, gros dinozo, un 3 mafioso. Mafioso. Comme un voyou, ça parle. Comme un voyou, ça tire.